nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. S'il y a des archives radiophoniques qui, plus que d'autres, méritent d'être archivées et surtout écoutées, les 5 entretiens accordés par Alain Cuny à Fernand Schulman en 1975 sur France Culture appartiennent à cette catégorie. Peut-être à cause de l'inaltérable et furieuse jeunesse dont Alain Cuny nous offre là d'être revivifié. Passionnant autant que les précédents, le 5e et dernier entretien de la série en est le plus passionné. La fureur du comédien y rencontre celle de l'auteur qui disait l'avoir attendu 20 ans, Paul Claudel, dont l'œuvre aura été au centre de la vie d'Alain Cuny. Au détour d'une phrase, dans la conversation, le comédien fait surgir de tête d'or les mots de Claudel. C'était au milieu des années 70 et Alain Cuny avait déjà la volonté d'adapter L'annonce faite à Marie au cinéma alors qu'un refus borné accueillait partout son projet. Avant de disparaître en 1994, il concrétisera enfin ce désir, réalisant un film à propos duquel, au lendemain de l'avoir vu, Chris Marker a écrit à Alain Cuny. Depuis combien de temps n'avais-je pas éprouvé cette espèce d'allégresse physique qui surgit quand quelque chose a bougé en vous pendant le temps d'une projection? C'est un peu de cette sorte d'allégresse que l'on ressent à l'écoute de ce 5e entretien dans lequel Alain Cuny disait aussi magnifiquement ce que Les Visiteurs du Soir, le film qu'il avait fait découvrir au grand public, aurait pu être, mais n'avait pas été, pour les Français de la France occupée. Entretien avec Alain Cuny, 5e et dernière partie, diffusée la première fois le 9 janvier 1976 sur France Culture. La cloche bouddhique qui répète inlassablement « Ré dièse, ré dièse, ré dièse, non, non, non » à toutes les vanités et toutes les amours de ce monde. Alain Cuny s'entretient avec Fernand Schulman. 5e propos. Alain Cuny, nous voilà au terme de nos entretiens. Nous n'avons finalement que peu parlé du théâtre et pas du tout du cinéma, pas plus des Visiteurs du Soir que du cinéma italien où tu as énormément travaillé ces dernières années. Je crois qu'il faut commencer par évoquer tout de même les Visiteurs du Soir, auxquels pour le très grand public ton nom reste attaché. Les Visiteurs du Soir ont failli avoir une importance motrice au niveau du tremplin que peut être une œuvre d'art, littéraire ou picturale. Les Visiteurs du Soir pouvaient peut-être se répercuter dans la mentalité, participer à modeler la sensibilité française, un peu, je crois, comme Werther a bouleversé l'Allemagne romantique. Les Visiteurs ont failli avoir un énorme retentissement. Tu dis ont failli. Oui, ont failli. Ce retentissement, si large qu'il ait été, a fait faillite. Les Visiteurs du Soir ont été l'occasion d'un ralliement d'un grand nombre de Français. Et je ne parle pas là d'un ralliement d'ordre politique, encore que tout soit politique. Mais ce n'est pas en fonction de la France occupée que je dis que les Visiteurs ont été l'occasion d'un ralliement. Je crois beaucoup, et c'est là que je hais la démagogie, parler de l'amour à partager entre tous. Il n'y a pas d'exercice au monde plus périlleux, moins facile à réussir que d'aimer. C'est abominable, n'est-ce pas, de mettre des coussins sous les épaules des gens, des oreillers sous leur tête, et puis de les appauvrir en leur racontant que tout doit être doux, que tout... Ce n'est pas vrai. Au contraire, n'est-ce pas, nous sommes très cloisonnés. Et si on ne prend pas conscience, si on n'admet pas, si on n'a pas la loyauté ou la clairvoyance de considérer ces cloisonnements, on ne s'entendra pas. C'est autant en fonction des différences que des affinités que l'on peut aller l'un vers l'autre. Je crois donc que les visiteurs contenaient, je ne sais quelle émanation, de je ne sais quelle grandeur, vertu, de notre race française, puisqu'on en est au régionalisme aujourd'hui. Et c'est si précieux, les différentes racines d'un arbre, si tu veux. Il y avait donc un contenu tout à fait rare dans les visiteurs, et qui a été ressenti, mais il se trouve que ça a été aussi intolérable à une autre fraction de Français, qui n'était peut-être pas d'ailleurs des Français épargnés. Moi, je suis tenté de me dire qu'il y a je ne sais quel envahisseur des ténèbres, alors. Oui, peut-être. Oui, mais de quelles ténèbres, quelle identité peut avoir ces ténèbres, je ne sais pas, qui a été exaspéré. Et cette exaspération me reporte à Claudel. Il y a des producteurs français à Paris auxquels je suis allé proposer ce découpage de L'annonce faite à Marie, qui est un film que la société Paul Claudel m'a demandé de réaliser sans évidemment pouvoir m'en donner les moyens pécuniaires. Et ces producteurs, comme ça, parce qu'ils avaient un a priori favorable me concernant, m'accueillait gentiment, et je leur laissais le découpage, ou bien je leur en lisais des passages, ou je leur en faisais le résumé en leur présence dans leur bureau, émaillant ce résumé de quelques répliques de Claudel, n'est-ce pas, prises dans le texte. Et plusieurs fois, j'ai pratiquement été chassé dans un mouvement de délirium très mince, un mouvement de fureur, d'exaspération écumante, je n'exagère absolument pas. Alors, est-ce que ce sont ces êtres-là qui aussi ont fait obstacle et barrage aux visiteurs? C'est possible. Enfin, je veux dire que il y a lutte, n'est-ce pas? Il y a conflit perpétuel. Et c'est en mesure de cela que les visiteurs ont finalement échoué. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres visiteurs. Et cela, ce n'est pas dû à Carnet. Il ne savait pas ce qu'il faisait et il n'aimait pas faire le film. En cours de tournage, il souhaitait abandonner. Ça l'a considérablement dépassé. C'est-à-dire, il a été emporté par un mouvement? Non. Non, non, il a fait son travail. Et alors, pour Claudel, voilà la réaction de gens plein parisianisme, en pleine ville. Et tu continues de songer à réaliser ce, oui, ce film? Oui, je voudrais beaucoup, bien sûr, encore le faire maintenant, parce que c'est un sentiment partagé par beaucoup d'autres que moi, pour des raisons multiples, dont beaucoup doivent être déplacés. Moi, je prétends, j'ai l'ambition de pouvoir faire apparaître, puiser dans le dossier Claudel, qui a été le témoin, sûrement, peut-être plus que Bernanos, peut-être le témoin le plus tapageur et le plus gigantesque des désastres de l'être humain pris dans une civilisation qu'on prétend qu'il servait. Parce qu'il a été actionnaire de Gnomérone, parce qu'il a été ambassadeur, parce qu'il a été à l'Institut. Mais s'il a fait tout cela, c'est par bonheur, parce qu'il voulait vivre. Il n'a pas voulu, disant ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu, ou en tout cas, il n'a pas eu le sort de Rimbaud. Et alors, voilà par exemple ce qu'il dit. Quelle différence y a-t-il ? Il s'agit de Cébès, qu'il a aimé tendrement. Quelle différence y a-t-il entre ce corps mort, entre ce corps mort et ce meuble ou n'importe quel tronc d'arbre ? Pourquoi nous lamenterions-nous ? Pourquoi serions-nous émus par quoi que ce soit ? Qui voudrait se prêter à cette bouffonnerie ? Cet être qui se tordait et pouffait d'angoisse, plus bouffi que les trognes de Zéphyr, va rugir de joie dans les mêmes plis. Notre douleur nous creusa nos ornières pour rigoler. Cette veuve dont toute la face bavait, s'étant remariée, commande le dîner avec un visage aussi calme que la peau de son dos. Pantin. Suis-je de pierre ? Il me semble que les feuilles des arbres sont de toile ou de tôle, et que tout l'air est d'un décor, qu'on regarde ou non. Et ce soleil, dont les premiers rayons jadis me faisaient chanter comme une pierre lancée contre le bronze, il peut se lever, cela m'est aussi égal que de voir un poumon de vache flotter à la porte d'une boucherie. Je pourrais voir mes membres tomber. Pourquoi vivre ? Il m'est indifférent de vivre ou d'être mort. Cela me fait mal. Aujourd'hui est venu que je dois montrer qui je suis. Il y a moi. Il faut. Seul, eux tous, je marcherai, je meurtrirai le mufle même de la bestialité d'un poing armé. Je parlerai devant cette assemblée de saligauds et de lâches. Où je mourrai, où je m'établirai mon propre empire. Voilà. Il a dit aussi, mon désir n'est pas de créer l'ordre, mais le désordre au contraire, au sein d'un ordre absurde, ni d'apporter la liberté, mais simplement de rendre la prison visible. C'est Rimbaud, c'est Lautréamont, tous les martyrs de la plus haute littérature, du génie. Et alors, un autre aspect, mais parfaitement coïncident. Le converti, tout le monde sait qu'il s'est converti au pied d'un pilier de Notre-Dame, le converti est souvent celui qu'aucune femme ne trouve beau, mais qui s'en remet à une épouse aveugle. Mais c'est terrible! Et alors, il y a tellement à dire, justement, sur les relations de l'homme et de la femme dans le théâtre de Claudel. Et c'est ce que je voudrais faire apparaître dans l'annonce, sans pour cela nier le contenu d'une vocation religieuse et les résultats obtenus par des mutilations comme celles que supporte ce converti qui est obligé de prendre une femme abstraite, comme Craon qui dit « Je n'aurai qu'une femme dans ma vie, ce sera une femme de pierre. » Et il est donné comme exemple, Craon, de même que Violaine qui, elle aussi, va fuir l'amour. Et tous les deux réciproquement, vont se donner un statut qui leur permettra de sacraliser cette inaptitude à être, enfin à être entre eux, au bénéfice d'un être, évidemment, suprême et qui dépasse tout, mais qui fait de la vie physiologique et de la vie terrestre humaine précaire un hôpital. l'hôpital de Baudelaire. On peut vraiment dire que Claudel a été ta plus grande rencontre. Son œuvre, si tu veux. Oui. Le contrat, donc, qu'il a passé avec cette société où se trouvent des hommes qui ne vont pas vers les femmes qu'ils aiment et réciproquement, et cette société qui, pour reprendre l'expression de Artaud, a ses suicidés, les suicidés de la société, il avait près de lui, et c'est une des raisons très probablement pour lesquelles il a passé un pacte, un contrat avec cette abominable société meurtrière que toute son œuvre théâtrale dénonce, et qui avait envoyé à l'asile l'être qu'il aimait le plus au monde, l'être qui lui avait servi d'exemple, qui avait été tête d'or, et qui avait, disait-il, et évidemment il n'y a pas la moindre ironie dans cette expression, la moindre coquetterie, lui qui était génial de sa part, il disait, c'est elle qui a pris tout le génie de la famille. Or, qu'est-ce que ce monde et cette société autour de Claudel ont fait de ce génie qui monopolisait tout le génie de la famille Claudel, y compris celui de Paul? Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a mis dans un asile. Ce génie était une femme, c'était Camille, sa propre sœur, qui, évidemment, quand elle est venue au monde, était un enfant certainement aussi sain de corps et d'esprit que son frère Paul, devenu par la suite ambassadeur, membre de l'Académie française, etc., etc., et néanmoins l'anarchiste que l'on peut facilement voir dès qu'on soulève la pellicule de son écriture. Alors, moi aussi, j'aurais peut-être pu finir comme un suicidé de la société. Cette société, n'est-ce pas, où on peut voir encore tout récemment un avocat général réclamer la peine de mort pour un homme qui a tué ses 4 enfants et qui a voulu se suicider ensuite. Et de ce malheureux, l'avocat général a déclaré que c'était un tel monstre, une telle bête sauvage, qu'il ne pouvait rien découvrir en lui d'humain. C'est exactement, paraphrasé, ce que Camus fait dire à l'avocat général dont il veut faire apparaître et dont il fait bien apparaître la cruauté homicide. Et ce n'est pas la société qu'il faut protéger d'un meurtrier de ses 4 enfants. C'est ce meurtrier qu'il faut protéger de la société qui l'a poussé à cela et qui le condamne de surcroît à mourir. Il n'y a pas dans ce monde-ci, à Paris, il n'y a pas, je m'en porte garant, un patron de bistrot qui donnerait gratuitement un verre d'eau à quelqu'un qui entrerait dans son café, qui se mettrait au comptoir pour le lui demander. Celui-ci serait aussitôt foutu à la porte à coup de pied dans le cul. C'est le monde que nous en aurons. Mais tu vois, là encore, je ne me console pas. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour que je ne suinte du sang de ne pas avoir pris part à mai 68. J'étais parti pour le Japon, car je leur aurais dit à tous ces garçons et toutes ces filles qui, providentiellement, ont fait craquer cette bouffissure bourgeoise, n'est-ce pas? Je leur aurais dit qui était Claudel, et j'aurais été parmi eux, et je n'aurais pas dû, comme d'ailleurs je ne suis pas mécontent tout de même d'y être arrivé, mais être amené à me passer de tout, dans une solitude d'un certain point de vue désertique. Et alors je leur aurais dit ça, par exemple, tous ces attentats anarchistes que vous vous rappelez, c'est Claudel qui parle, hein. Je dois avouer à ma confusion que je leur étais très sympathique. Je trouvais dans l'anarchie un geste presque instinctif contre ce monde congestionné, étouffant, qui était autour de nous et à l'égard duquel il faisait un geste presque celui du noyé qui cherche de l'air, jetant des bombes au hasard sans savoir où. Alors, tu comprends, quand on annexe Claudel et qu'on en fait je ne sais quel... Garant d'ordre. Oui. Et édifiant au niveau de l'état d'esprit du Figaro, par exemple. Il n'y a pas de mots. Tu fais de Claudel une sorte de Artaud, mais... moins douloureux que Artaud, mais... C'est ça. Et moins suicidaire. Alors, je voudrais beaucoup faire apparaître ce que Françoise d'Olto dit si bien quand elle dit que lorsque le Christ dit « Venez à moi », ça veut dire « Venez à votre moi », « Venez à ce moi qui est capable de dire « Je ». Et libérez-vous. Il est même dit dans, je ne sais pas si c'est dans le Pentateuque ou dans je ne sais quel évangile, vous devez haïr votre père et votre mère. Mais pourquoi? Justement, pour vous évader d'eux. Si vous leur appartenez, vous ne serez jamais. Vous resterez à votre source. Vous serez des petits étangs stagnants. Il s'agit de vous lever. Lève-toi, dit-il d'ailleurs au garçon mort. Lève-toi et marche, c'est-à-dire sois autonome. Libère-toi du père. Et ce qui est si palpitant au sens d'un cœur qui bat, si tu veux, qui palpite, n'est-ce pas ? C'est que, recommandant cela, le Christ, je veux bien réduire à sa dimension d'homme, le Christ nous propose et nous commande et nous apporte et nous donne quelque chose qu'il n'a pas, puisque, au moment de mourir, il dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc, il n'a pas pu, lui, s'évader, s'échapper, n'est-ce pas ? Atteindre son autonomie et une certaine taille d'homme, ce qui est en somme tellement calmant, si tu veux, pour tous les malheureux que nous sommes, qui n'y parvenons pas. Il se serait comme Moïse arrêté au seuil de la terre promise. Oui, oui, ayant pu y faire entrer les autres. Et y poussant les autres. Une dernière question. Que veux-tu faire lors de ta prochaine vie ? De ma prochaine vie ? Oui. Elle est déjà commencée, puisque je suis sorti de ma vie professionnelle du théâtre et du cinéma, que je n'ai plus dans ce domaine comme objectif, c'est tout à fait le terme, que l'objectif abominable d'ailleurs, de l'appareil de prise de vue. Je dis abominable, parce que il peut ressembler à un sphincter. C'est pas abominable en soi, un sphincter. Nous sommes faits de briques et de broc. Mais c'est abominable parce que c'est soumis à tout un objectif. Et je voudrais le dompter. toucher à un appareil de prise de vue, c'est la boîte de Pandore. C'est dans un siècle où les photographes épousent les reines d'Angleterre, c'est comme ça. Enfin, donc, mon objectif, ce serait de tenir l'objectif de toutes mes forces. Et j'aurais besoin de toutes mes forces. Et ce film fait, si jamais j'y arrive, mais c'est une iniquité que je n'y parvienne pas. C'est pas une iniquité, c'est une grande faute de civisme, n'est-ce pas, de la part de ceux de qui je dépends. Une fois que ce sera fait, eh bien, je courrai les routes. C'était le cinquième et dernier des entretiens avec Alain Cuny au micro de Fernand Schulman, diffusé la première fois le 9 janvier 1976 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.